J'ai marché nu sur la tour Eiffel pour voir comment ça faisait. Dans cet élan suicide relationnel, je m'élance du haut de la tour Eiffel. Pas de mots justes, mais des mots tout courts qui me dévorent et c'est tout. Hésitation, si ça ne te convient pas, si ça ne te retient pas, vas-y, écarte-toi. Hésitation, si ça ne te convient pas, si ça ne te retient pas, vas-y, éloigne-toi. Sans hésitation, si ça ne te déplaît pas, vas-y, n'y renonce pas. Vas-y, fais tes choix. Vas-y, fais tes choix. Ya, ya, ha, ha, ha, ha. Tes choix, tes choix.